Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La révolte gronde dans Paris. Pendez la sorcière. Ce n'est sans doute guère justice, mais nous sommes au Moyen-Âge, dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Esmeralda est belle. Elle a trouvé asile dans la cathédrale. L'archidiacre la désire follement. Quasimodo la défend contre tout le monde et même contre les truands de la cour des miracles, pourtant venus la délivrer. Rien n'est encore résolu, mais tout cela ne devrait pas finir très bien. Voici les épisodes 54, 55, 56, 57 et 58 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 18, 19, 20, 21 et 22 juin 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Est-ce vous, Gringoire ? Est-ce vous, enfin ? Je ne vois rien dans cette obscurité. Oui, oui, c'est moi, maître. Oh, j'en peux plus, moi j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Ouf. Mais que se passe-t-il? Le veilleur de la tour Saint-Gervais vient d'annoncer 2h30 du matin et vous m'aviez donné rendez-vous à minuit. Vous me faites bouillir sur place, Gringoire. Oh, mais c'est pas de ma faute, moi laissez-moi reprendre un petit peu mon souffle, s'il vous plaît. Oh, maître, je viens de l'échapper belle. Oh, j'aurais bien voulu vous voir à ma place. Si vous voulez reprendre souffle, taisez-vous donc. Vous me dites que des choses inutiles. Avez-vous le mot de passe? Oh, figurez-vous, monsieur l'archidiacre, que je viens de voir le roi. Oui, le roi. Il voulait me pendre. Quelle aventure. Oui, mais ça doit être mon destin, il faut le croire. Je manque toujours d'être pendu. Vous manquez toujours tout, et je me moque de votre aventure. Encore une fois, avez-vous le mot de passe? Je le laisserai tranquille. C'est... Ah, oh, je m'en rappelais plus. C'est Petite Flambe en Bagnole. Bien, partons immédiatement. Les truands embarrent les rues, il nous fallait ce mot pour forcer les consignes. À vous attendre si longtemps, j'ai eu peur que nous n'arrivions trop tard, mais heureusement, vos amis ont trouvé de la résistance. Cet imbécile de Quasimodo a dû croire qu'il venait pour prendre Esmeralda. Comment entrerons-nous dans Notre-Dame? J'ai la clé des tours. Ah, oui, mais alors comment en sortirons-nous? Il y a derrière le cloître une petite porte qui donne sur le terrain, et de là, sur l'eau. J'ai amarré un bateau ce matin. Ah non, venez! Nous n'avons pas une minute à perdre. J'écoutais la chouette. Lapin ! On ne peut plus approcher des portes de Notre-Dame ! Le plomb fondu coule toujours ! Les hommes sont brûlés vifs ! Les cadavres ne se comptent plus ! Faut abandonner, Clopin ! Abandonner ? Alors que nous savons maintenant qu'un seul homme suffit à nous tenir en échec ? C'est pas un homme ! Quasimodo est le diable en personne ! Voilà bientôt 2 heures que nous luttons ! Écoute tes truands, Clopin, ils sont à l'agonie. Oh, par les tripes du pape, nous n'aurons pas fait tant de sacrifices pour rien. Bellevigne de l'Étoile. Oui, patron. Cours chercher des trompes fraîches parmi les hutins qui gardent les rues. Ouais. Ils n'auront qu'à me suivre. Je prends la tête. Non, patron. Non, c'est moi. Et grâce à mon échelle, j'y serai le premier. Que veux-tu donc faire de cette échelle, mon petit frelon? Ce que je vais en faire, Auguste, seigneur de la cour des miracles. Mais voyez cette rangée de statues qui ont des mines d'imbéciles là-bas, au-dessus des trois portails. Ouais, eh bien. C'est la galerie des rois de France. Il y a au bout de cette galerie une porte qui n'est jamais fermée qu'au loquet. Avec cette diablesse d'échelle, j'y monte et je suis dans l'église. Enfin, c'est trop de risques. Laisse-moi monter le premier. Jamais. L'échelle est à moi puisque je l'ai trouvée. Tu as beau t'appeler Clopin Trouillefou, cette fois tu passeras après Jean Frollo. En avant. En un instant, l'échelle fut dressée et appuyée contre la balustrade. À la suite de Jean Frollo, la foule des truands se pressa pour gravir les roides échelons. À mort, Quasimodo ! Vive Esmeralda ! L'écolier toucha enfin au balcon de la galerie et l'enjamba le premier comme il l'avait voulu. Thank you. Tout à coup, Jean Frollo, qui hurlait sa joie, s'arrêta pétrifié. Quasimodo était devant lui. Avant qu'un second assiégeant pût prendre pied sur la galerie, il saisit dans ses mains puissantes les deux montants de l'échelle et d'une seule mais prodigieuse secousse, il la renvoya dans le vide. Quasimodo. Te voilà tout seul, petit Frollo. Tout seul. Eh bien, gorille, qu'as-tu me regardé avec cet œil borgne et mélancolique? Je te reconnais. Tu es le frère de mon maître, l'archidiacre. Toi aussi, tu veux faire du mal à Esmeralda. Mais non, nous venons pour la sauver, ne comprends-tu pas? La peste soit des sourds, comment ouvrir cette cervelle bornée, stupide? Nous voulons la sauver, ton Esmeralda! La sauver! Moi vivant, personne n'y touchera. Où est-elle, Esmeralda? Où est-elle? Montre-moi le chemin, Cago! La fille au moins a des oreilles pour entendre! Non, tu ne bougeras pas d'ici, petit Frollo. Oh, attends un peu, crétin! Je n'ai pas peur de toi! Tu me fatigues! Je n'ai pas de temps à perdre. Quasimodo! Quasimodo, écoute-moi! Je pourrais t'écraser contre la muraille, petit Frollo. Mais je ne veux pas qu'il y ait du sang sur les pierres. Esmeralda n'aime pas le sang. Ça lui fait peur. Je vais te jeter par-dessus la balustrade pour que tu ailles rejoindre tes camarades. Anne-Batté, monstre! Carillonneur du diable! Tu veux me faire mourir? Eh bien, vas-y! Vas-y! Je serais mort pour rien, hein? À 16 ans! La belle aventure, la vie était douce pourtant, et les filles aussi. Mais garce l'une et l'autre, Quasimodo, garce en crever! De joie ou de chagrin! Regardez-moi cette face de carême! J'aurais voulu tout de même mourir dans d'autres bras! Mais quoi? Je n'ai pas le choix! Allez! Allez! J'ai enragé! C'est un besogne! Et je n'ai moi peur le sang de Dieu! Ni foi, ni loi, ni feu, ni Dieu! Les cavaliers du roi, sous le triple commandement de Tristan l'ermite, du vicomte de Gif et de Phébus de Châteaupers, se dirigeaient à bride abattue vers le parvis de Notre-Dame. Sur leur passage, le peuple de Paris, d'abord terrorisé, commença de se répandre dans les rues, répondant à l'appel des tocsins qui s'ébranlaient un peu partout. Devant la cathédrale, les hutins de la cour des miracles, exaspérés par la mort affreuse du pauvre Jean Frollo, prenaient d'assaut Notre-Dame avec une ardeur rageuse qui semblait enfin leur donner la victoire. Et Quasimodo comprit que cette fois, il ne suffirait plus à tenir en échec ceux qu'il prenait pour les ennemis d'Esmeralda. Et puis, soudain, les troupes lancées par Louis XI débouchèrent de tous côtés sur le parvis. Dents de chien, la mêlée fut affreuse. La taille reprenait ce qui échappait à l'estoc. Les truands firent bravement et se défendirent avec désespoir. Sans armes réelles, ils se battaient avec leurs crocs de fer, leurs torches flamboyantes, leurs tranchoirs et leurs couteaux. Les haches tournoyaient, les arquebuses tiraient, et dans ce tumulte de ferrailles, de cloches et de cris, personne ne fit attention à Claude Frollo et à Gringoire, qui se faufilaient vers une porte dérobée de la cathédrale. Faites attention, hein, mon maître. Nous voilà en pleine bataille et j'aime bien cela, mais de plus loin... Marchez, Gringoire, marchez! Nous n'arriverons jamais! Les soldats du roi mèneront devant la répression. Je vous l'avais dit! Sa Majesté Louis XI a donné les ordres devant moi. La chose était exaltante. Ah, cette odeur de poudre, ces lueurs d'incendie, ces hordes déchaînées... Tout cela me donne envie d'écrire une ballade! Une ballade qui sera mon chef-d'œuvre. Tenez, j'ai la chose là dans ma tête. Ah! Oh, pardieu, protégez-moi. Je n'ai pas ces bruits qui éclatent de trop. Allons, si vous voulez garder intacte votre tête et ce que vous croyez avoir dedans, enfilez, Gringoire. Sans quoi, nous ne pourrons pas sauver Esmeralda. Viens là! On n'en va pas plus loin, mon compère, ou ça coûte cher. Laissez-nous, j'ai le mot de passe. Petite flambe en baguenaud. En baguenaud, tu peux le dire. Drôle de promenade qu'on nous fait faire là. Les truands tombent plus vite que mon faucon. Vous pouvez passer, mais il y a risque. Nous ferons attention. Merci, camarade. Voilà. Voilà, monsieur l'architecte. Nous y sommes, c'est ici. Avez-vous la clé? Oui, voilà. Gringoire, écoutez-moi. Oui. Vous entrerez le premier dans la logette d'Esmeralda. Oui. Grâce à ce capuchon, je puis dissimuler entièrement mon visage et je ne dirai pas un mot, comprenez-vous? Pas un mot. Il ne faut pas qu'elle entende le son de ma voix. Vous avez assez d'imagination pour inventer une réponse si elle vous interroge. C'est entendu, mon bon maître. Mais pourquoi toutes ces précautions? Esmeralda ne se méfie jamais de rien, ni de personne. N'oubliez pas que je suis archidiacre de Notre-Dame. En protégeant votre bohémienne, j'applique la loi d'asile, mais en l'aidant à fuir, je suis coupable envers le roi. Allez-y. C'est la petite porte à droite. Esmeralda! C'est moi! Esmeralda, ouvre vite! Qui est là? Qui parle? Mais ne reconnais-tu pas ma voix? C'est Pierre Gringoire! Ton mari! Oh, Gringoire! Esmeralda! Oui, ma jolie! Ma petite chèvre! Oui, oui! Regarde-la, Esmeralda, regarde, toi! Jenny m'a reconnu avant, toi. Oui, oui, ma jolie petite. Oui, oui, toi au moins tu m'as pas oublié. Oh, Gringoire, comment as-tu fait pour venir jusqu'ici? Si tu savais tout ce qui s'est passé. Je le sais, mamie. Ne t'inquiète pas. Je suis venue pour t'aider à t'enfuir. Oh, cela me fait du bien que tu sois là. J'ai peur. Je ne veux pas bouger. Je ne le dois pas, sinon ils vont me pendre. Il faut que tu me suives, au contraire. Tous ces gens qui se battent aux portes de Notre-Dame, Esmeralda, se battent à cause de toi. Et bientôt, les soldats vont entrer dans l'église. Donne-moi la main et laisse-toi guider. Allez, il faut faire vite. Qui est cet homme en noir derrière toi, Gringoire? Et pourquoi ne parle-t-il pas? C'est un ami. Grâce à son aide, nous allons pouvoir te sauver. Il se tait par prudence et par mélancolie. Son caractère est maussade. N'y prête pas attention. Viens. Allez, viens maintenant, viens. Viens. Tous les lanciers, mort aux truands, n'épargnez personne! Clopin, garde-toi! Dessouffle les arquebuses! Moi? Clopin trouille-fou? Me mettre à l'abri quand on écrase mes lutins? Oh, père, tu as raison, Belvine de l'Étoile! Je veux mourir comme j'ai toujours vécu, en méprisant les honnêtes gens qui nous font la loi! Mais t'es fou, voyons, nous avons besoin de toi! Clopin, prends garde, ils vont te tuer! Ils ne peuvent pas me tuer! Regarde, Belvigne! La mort, c'est moi! Avec ma faux de moissonneur, tiens, je tranche! Ah, tiens, je taille! Je fonce! Oh, quelle gerbe nous allons pouvoir faire de tous ces abattis qui volent aux quatre vents! Tiens! Gueulez, mes bons sires! C'est Clopin Trouille-Fou qui passe! Seigneur de la cour des miracles! Roi des truands! Il y a trop de bras, de jambes et de têtes qui ne servent à rien. Je vous prie que je vous en débarrasse. Bouchons la vie! Moissonnons les cadavres! Par les cornes du diable, il en restera toujours assez! Clopin! Oh! Clopin! Clopin! T'es touché, Clopin? Imbécile! Je te l'avais bien dit. Tu oses me traiter d'imbécile? Est-ce que je suis trouvé comme une passoire, hein, Belvigne? Bouge pas, je vais rassembler les camarades, mon vieux clopin. On va te sortir d'ici. Non. S'ils n'ont rien vu, laisse-moi crever dans mon coin. Ils se battent comme des dieux, mes riffonnés. Mes capons, mes formes et tout. Laisse-les donner une leçon d'honneur à cette armée de gendarmes. Au moins, les truands se battent pour rien. Il n'y a pas de solde à la fin du mois pour les mendiants et les vagabonds. Seulement, Belvigne, nous sommes des hommes libres. Tu comprends? Libres! Oui, oui, te fatigue pas, Clopin. Tais-toi, tu craches le sang à chaque parole. Oh, justement, j'en avais trop, ça me fait du bien. Oh, Belvigne, tu vas me laisser pourrir en plein soleil, hein? Comme un vrai truand. Les corbeaux se chargeront du nettoyage. Je veux dégoûter les bourgeois jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vite, Esmeralda, vite, dépêche-toi, il faut échapper à ces hommes en furie. Grand Dieu, là, cette histoire, hein, je n'aime pas, moi, que l'on se batte. Gringoire, la cathédrale est déserte et si pleine de ténèbres. Tout y résonne comme dans une cave. Oh, j'ai peur. J'ai peur tout le temps, maintenant. Dépêche-toi, nous allons en sortir. Je n'y vois rien. Crampe-toi à mon bras. Et suivons Jali, tiens, regarde. Regarde comme elle sait d'instinct trouver l'air libre. Voilà sur le terrain. Oh, Grégoire. Comme j'aime ce vent. Je croyais ne plus jamais pouvoir sortir de Notre-Dame. Attends. Attends un instant. C'est si bon de retrouver sa liberté. D'avoir presque froid dans ce vent qui traverse mon corps. Esmeralda, tu vas avoir froid, chaud, faim, soif, tout ce que tu voudras à condition de te dépêcher. Mon ami s'impatiente près de la barque, là. Il a raison. Pourquoi est-il si noir et si avare de paroles? Il me rappelle le prêtre chez la Falourdel. Le connais-tu vraiment, Gringoire? Quand je le regarde, il me semble avoir déjà vu cette silhouette. Je n'ai pas confiance. Voilà bien les femmes. Il y a une minute, tu étais joyeuse parce que tu étais libre. Maintenant, tu es inquiète à cause de cet homme qui te libère. Ah, tiens, puisque je t'affirme avoir confiance en lui, il a préparé toute ton évasion. Il me porte donc tant d'intérêt? Tes malheurs l'ont ému, c'est tout. Et s'il se cache, c'est qu'il le faut. Bigre. Oh, le courant est bien violent. Donne-moi la main et saute, Esmeralda. Allez. Allez. Ah, Jali. Jali. Toi, je vais te prendre dans mes bras. Oui, oui, mon petit. Allez, allons-y. Victoire ! Victoire ! Venez, laissez-moi fuir ! Gagnez les surplaces ! Les autres humains ! Garde les hommes pour mon faucon ! Vive le faucon pour Lyon ! Victoire ! Le parvis est à nous ! À moi, vicomte de Gif ! Entrons les premiers dans la cathédrale ! Le parvis était plein d'une fumée épaisse que la mousqueterie rayait de feu. Les truands, à bout de résistance, forçaient la ligne des assaillants et tentaient de s'enfuir dans toutes les directions, laissant derrière eux un grand encombrement de morts. Lorsque Quasimodo, qui n'avait pas cessé un instant de combattre, vit cette déroute, il tomba à genoux et leva les mains vers le ciel. Puis, ivre de joie, il courut vers la cellule d'Esmeralda. Esmeralda ! Esmeralda ! Tout est fini ! Je t'ai sauvée une seconde fois, ma petite fée ! Tu n'as plus rien à craindre ! Tu n'as plus rien à craindre. Comme tu vas être contente. Mais pas autant que le pauvre Quasimodo. Esmeralda. Esmeralda. Tu peux sortir maintenant. Ils ont cessé de se battre. Viens voir. Viens voir, c'est ta victoire. Il y a des morts partout. Mais toi, tu es vivante. Et je suis heureux. Esmeralda. Ouvre-moi. Je t'en supplie. J'ai tellement lutté pour avoir cette joie. Esmeralda, pourquoi ? Esmeralda ! Ah. Est-ce que... Oh. Il n'y a personne. Personne. Même pas sa chèvre. Esmeralda, elle est partie. Partie. Partie. Eh bien. Sur mon âme, nous voici aussi allègres et joyeux que des poissons au bout d'un hameçon. Quel silence, mes amis, quel silence. Je voudrais bien que quelqu'un me parle. C'est vrai, la voix humaine est une musique à l'oreille humaine. Et je ne vois point, alors que nous sommes tous les quatre sauvés, pourquoi il convient d'en faire grise mine. Allons ? Allons ? Bon, personne ne répond. La fâcheuse humeur que vous avez là tous deux. Ah, bien. Je n'ai qu'une amie, décidément. Et c'est Jali. Oui. Oui, Jali. Aussi, ne m'occuperai-je que d'elle. Sais-tu, ma petite chèvre, que j'ai vu le roi Louis XIe? Mais oui, en vérité, il n'est pas beau. Et ses airs paternes dissimulent des pensées fort cruelles. Sous le règne de ce roi dévot, les fourches craquent de pendus. Les billots pourrissent de sang. Les prisons crèvent comme des ventres trop pleins. Oh, Gringoire, tais-toi. Ce que tu dis est abominable. Je parlais à Jali, qui d'ailleurs me comprend. Tiens, ouais, Esmeralda. Ouais, elle se sert contre moi. On dirait depuis qu'elle m'a retrouvé que je suis son seul maître. Il est vrai, je n'aime plus ma chèvre comme autrefois. Et elle doit le sentir. Dans mon cœur, il n'y a plus de place que pour Phébus. Mais ce n'est pas une raison pour la rendre aussi malheureuse que toi. Ne crains, Jali, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je te prends désormais en charge. Oui. Ah. Nous voici de l'autre côté de l'eau, Esmeralda. Maintenant, je te quitte et je vais mettre la chèvre à l'abri. Nous ne pouvons rester tous ensemble, c'est vrai. Les gens de la prévôté te cherchent sans relâche. Aie confiance en cet homme. Il ne veut que ton bien. Gringoire, ne me quitte pas. Et il le faut. Adieu, mamie. Adieu. Adieu, mon maître. Et prenez soin d'elle. Gringoire. Taisez-vous et venez. Il faut agir très vite. C'est vous. Oh, je m'en doutais. Voilà pourquoi vous ne disiez pas un mot. Lâchez-moi. Au secours. Au secours. Au secours. Tais-toi, Esmeralda. Rien ni personne ne viendra à ton aide. Il vaut mieux ne pas attirer l'attention des chevaliers du guet. Si tu appelles, c'est la mort qui te répondra. Et tu le sais bien. Comme voulez-vous encore? Nous n'avons plus rien à nous dire. Si j'avais compris tout de suite que c'était vous l'ami de Gringoire, jamais je ne vous aurais suivi tous les deux. Oh, j'aurais préféré rester toute ma vie dans Notre-Dame. Mais tu ne le pouvais pas. Vas-tu enfin te rendre compte que les hommes d'armes te cherchent sur l'ordre du roi, que le droit d'asile ne te protège plus, et qu'il te faut maintenant prendre une décision, la dernière. Quelle décision voulez-vous que je prenne? Je suis seule. abandonnée de tous. Folle que tu es. Trop de gens, au contraire, ont voulu te sauver. Les hommes qui ont attaqué Notre-Dame cette nuit étaient tes amis. Les truands de la cour des miracles, Clopin Trouillefou en tête, ils voulaient te délivrer. Est-ce possible? Clopin était là? Et Rémi Belface? Et Belvine de l'Étoile? Mon Dieu, si j'avais su... Quasimodo aussi voulait te sauver. Dans sa cervelle obtuse, il a cru bien agir en défendant l'accès des portes. Sourd et stupide, il a fait le contraire de ce qu'il devait. Oh, ne dites pas de mal de Quasimodo. Le malheureux n'a cherché que mon bien. Je sais que tu me préféreras n'importe quoi, n'importe qui. Même ce monstre a maintenant une place dans ton cœur. Et pourtant, je suis le seul, Esmeralda, le seul qui puisse vraiment te sauver. Tu n'as jamais cessé de te tromper. Et nos destins sont unis par une même fatalité. Oh, laissez-moi. Tous vos discours me fatiguent et m'accablent. Je n'étais pas faite pour tant de complications. Laissez-moi. Non. Écoute. Mais écoute donc, Esmeralda. Entends-tu ces appels, ces rumeurs de l'autre côté de l'eau? L'Égyptienne. Avez-vous vu l'Égyptienne? Elle s'est enfuie de Notre-Dame. À mort, la sorcière. À mort. Tu vois bien qu'ils te poursuivent et que je ne mens pas. Regarde ces lumières, ces torches, ces hommes qui fouillent les maisons. Mon Dieu, quelle horreur! J'ai quelque chose encore à te montrer. Après quoi, tu décideras. Quoi? Mais quoi donc encore? Où m'en venez-vous? Tu vas voir, Esmeralda. Tu vas le voir. Allons, monstre de l'enfer. Montre-nous tous les recoins de ta cathédrale. On l'a emmené, monseigneur cavalier. Emmené. Esmeralda, où est-elle? J'aimerions bien le savoir, figure-toi. J'ai fouillé dans toutes les cachettes. J'ai ouvert toutes les portes secrètes. Hein? Derrière sacristie, les doubles fonds d'hôtel. Pourvu qu'on ne lui ait pas fait de mal. Mais que brelouille, ce suppôt du diable! Ma parole, il cherche à défendre la sorcière. Mais non, il doit tout confondre. Ouais. Nous lui devons beaucoup, au contraire. N'oublie pas qu'il s'est battu pour nous. Ouais, va donc chercher Tristan l'ermite. C'est le prévôt des maréchaux, et après tout, nous n'avons pas à prendre d'initiative. D'accord. Et toi, coquin, attends ici, hein? Monsieur le prévôt des maréchaux, je suis venu vous chercher parce que nous avons rencontré Quasimodo et on ne sait pas exactement ce qu'il veut nous dire. Dites-moi, monseigneur, devons-nous continuer à fouiller Notre-Dame? Le sonneur de cloche a ouvert toutes les issues, la sorcière s'est volatilisée. Mais ce bougre boiteux et bossu paraît mener un drôle de jeu. Puis-je cru? Oui. Raconte-toi. Oui, c'est vrai, monseigneur. Tantôt il se lamente et pleure après la fille, et tantôt il nous baise les mains et nous remercie d'être là. Ah, on n'y comprend plus rien. Et Quasimodo est sourd. Il peut se tromper sur nos intentions. N'importe qui a vaillamment défendu son église. Voilà! Maro! N'entends-tu rien à ce qu'on te dit? Alors, réponds. Monseigneur, je vois sur vos habits que vous êtes maréchal. Vous avez donc triomphé de tous ces hommes qui voulaient pendre Esmeralda. Vous l'avez sauvée de la mort. Et pourtant, vous voyez, elle est partie. Elle est partie. Oh, je vous en prie, retrouvez-la. Retrouvez-la. Voilà qui est étrange, en effet. Faut-il l'arrêter, monseigneur? Ah, ventre du diable, à quoi bon? Il ne cache pas l'Égyptienne, c'est certain. Sans quoi il nous la livrerait lui-même, tant il croit à son histoire. Rassemblez les hommes! Nous perdons notre temps. Oui, monseigneur. Il faut traquer la sorcière dans la cité. Oui. Entrez dans toutes les maisons. Forcez les portes. Visitez les caves. Inspectez les bords de la Seine. Elle s'est peut-être enfuie avec l'aide d'un batelier. Ils s'en vont. Et moi, je reste seul. Seul comme jamais. Esmeralda. Sans toi, je ne peux pas vivre. Je t'aime. Je deviens fou. Je cognerai ma tête contre les pierres jusqu'à ce qu'elle éclate. Mais pourquoi es-tu parti? Je me suis battu de toutes mes forces. J'en ai beaucoup tué de ceux qui te voulaient du mal. Tu n'avais pas besoin de trembler, j'étais là, moi, Quasimodo. Comment es-tu parti? Et qui t'a aidé? Qui? L'église est vide. Vide. Sans toi, je n'ai plus rien, Esmeralda. Ni les cloches, ni les statues. Tout ce qui me consolait avant n'existe plus. Esmeralda. Où es-tu? Où es-tu? Voilà, Smeralda. Nous n'irons pas plus loin. Tu es maintenant en face de ton destin. Le gibet. Ah ! Le gibet ! Oui, nous sommes maintenant sur la place de grève. Écoute, je vais décider de ta vie et toi de mon âme. Voilà une place et une nuit au-delà desquelles il n'y a plus rien. Ne détourne pas la tête. Regarde bien, au contraire. Ceci est la potence. Tu vois? Eh bien, choisis à présent. Choisis entre le gibet et moi. L'aube se levait sur ce matin fatal, et des lambeaux de nuit traînaient encore leurs voiles sombres par-delà les toits de Paris. Les derniers tocsins vibraient dans l'air, mêlant leurs sinistres messages aux rumeurs de la cité. De l'autre côté de l'eau, on voyait des soldats courir de maison en maison, et leurs torches trouaient l'ombre de pointes de feu. Juste au milieu de la place de Grève, il y avait le gibet. Esmeralda et Claude Frollo. Choisis, te dis-je. Choisis entre nous deux. Je préfère le gibet. Il me fait moins peur que vous. Ainsi, ta haine est sans limite. Tu ne me pardonneras jamais. Tu es là, en face de ta mort. Et vers moi, tu n'as même pas un regard. Nous aurons été jusqu'au fond de la nuit sans voir briller la moindre lueur. Et je t'aurais aimé avec quel abandon désespéré de moi-même. Pour toi, j'ai renié ma vie entière. Mais cela encore n'est rien. À cause de toi, j'ai perdu ma foi et mon salut. Mon âme est damnée. J'ai craché au visage de mon Dieu. La luxure a pourri toutes mes pensées. Mais que peux-tu comprendre à ces tourments? Ils te sont étrangers. Tu es irresponsable, bien sûr, d'avoir ce corps charmant qui borne maintenant mon horizon. Tu as 16 ans. Tu rayonnes de tendresse. Ton cœur est bon, pitoyable, plein de douceur. Il n'a de dureté que pour moi seul. Esmeralda, ne peux-tu avoir pitié de moi? Pitié de nous? Mais parle-moi, réponds-moi. Tu es au pied de ce gibet, droite, pure, immobile. Tu ne regardes que le ciel. Tu ressembles à une martyre des premiers âges chrétiens offerte au sacrifice. Et moi, le prêtre, je viens pour te torturer. Quelle fatalité pèse sur nos destins. Esmeralda, je t'en supplie. Je ne trouve plus de paroles. Je ne sais plus quoi te dire. Je t'aime. Est-ce ma faute? Je pleure, je tremble. Je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. Laisse-moi te sauver. Esmeralda. Esmeralda. Non, je le vois bien. Tout est inutile, tout. Mes larmes ne te touchent pas. Tu me verrais mourir sans doute avec plaisir. Dis-moi un mot, un seul mot qui ressemble à un pardon et je te sauverai. L'heure passe, il fait presque jour déjà, bientôt il sera trop tard, mais tu peux encore tout changer d'un mot, entends-tu ? D'un mot. Assassin. Voilà donc tout ce que tu trouves à dire. Assassin. Malheureuse. Assassin. Tu veux donc notre perte. Et me rendre plus inhumain encore que ce gibet de pierre auquel tu te cramponnes. L'amour que je te porte n'a pas de limite, Esmeralda. Je puis faire le pire. Assassin. Mais oui, tu as raison. Ignoble et lâche. C'est vrai encore, sorcière, fille sans âme. Je t'aurai. Tu vas me suivre, la belle, et me donner de la joie. Allons, embrasse-moi. Oh, monstre. Alors... Laisse-moi. Laisse-moi. Tu me répugnes et tu me donnes envie de vomir. Qu'est-ce que tu veux que cela me fasse, hein? C'est la tombe ou mon lit, Ribaud. Catin. N'essaie pas de lutter, je t'en ai. Je crois que je suis capable de te posséder même mort. Oh, lâche-moi. Ah. Tu me fais en rire. Oh, je suis à mon Phébus. C'est Phébus que j'aime. C'est Phébus qui est beau. Va-t'en, tu es vieux, tu es laid. Va-t'en, mais va-t'en. Personne ne me touchera que Phébus. Vipère. Tu sais ce qu'il faut dire pour me rendre fou, hein. Eh bien, va. Va au-devant de ta mort. Mais je vais me venger de tous tes affronts. Il y a quelqu'un que ton supplice va rendre aussi heureux que moi. Viens, viens voir. Emmenez-vous. J'ai peur. Marche. Allons, marche. Non, à l'aide. Je vais traîner plutôt par les cheveux. C'est fini à présent, bohémienne du diable. Tu vas payer le prix de mes souffrances. Allons, marche. Connaissance avec celle qui te hait presque autant que je t'aime. Oh, non, non, non, pitié, j'aime mieux mourir. La dernière fois, veux-tu être à moi? Oh, jamais. Phébus, Phébus, sauve-moi. Cervelle stupide, j'en ai assez de tes jérémiades, de ta bêtise. Allons, marche. Égyptienne, réjouis-toi, tu vas pouvoir te venger. Donne-la-moi, donne-la-moi, la sorcière. Tiens, la voilà. Non, non, non. Viens ici, ma belle, viens dans mon trou, hein. Je vais te déchirer la figure. Ah, enfin, je te tiens. Non, non, pas la sachette, pas la folle. Garde-la bien, ne la laisse pas s'échapper, je cours. Chercher les agents du guet, on va la pendre devant toi, Gudule, tu seras vengé. Tu vas être pendu. Pendu. Et je n'aurai plus besoin de te maudire, fille d'Égypte. Oh, mais pourquoi que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait? Ce que tu m'as fait, dis-tu? Écoute un peu. J'avais un enfant. Un enfant à moi, une petite fille. Mon Agnès. Eh bien, vois-tu, sorcière, on me l'a volé, on me l'a tué, on m'a pris, mon enfant. Hélas, c'est affreux, mais pourquoi m'en vouloir? Je n'étais pas née, aussi, peut-être. Aussi, tu devais être née. Elle aurait ton âge maintenant. Voilà 15 ans que je suis ici, que je souffre, que je prie pour vivre cet instant. Ce sont des Égyptiennes qui me l'ont volé, qui me l'ont mangé avec leurs dents. Comprends-tu cela? Madame, je vous en supplie, je ne suis pas coupable de ce crime. Ayez pitié de moi. Ah,